Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 12 juin 2024. Pour la dernière émission de la saison 2023-2024, le Grémos s'associe aux archives municipales de Saint-Étienne à l'occasion de la sortie prochaine de l'exposition « Coup d'envoi, sport et handicap, récit d'une aventure stéphanoise ». Et nous recevons en studio aujourd'hui Pierre-Régis Dupuis, directeur des archives municipales de Saint-Étienne. Bonjour Pierre-Régis et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Pour cette émission, tu seras accompagné de Jean-Michel Stenner, qu'on ne présente plus sur les ondes de Radio Dio. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Karine et merci de m'avoir invité. Bien, bonjour Pierre-Régis. Bonjour. Ravi de, que tu sois ici et... Donc nous allons parler de cette émission, enfin de cette exposition, enfin, tu vas parler de cette exposition que vous préparez avec l'équipe des archives municipales, Coup d'envoi, sport et handicap, récit d'une aventure stéphanoise. On se place bien entendu dans le cadre de l'année olympique, j'imagine. Exactement. Et avant de développer, on va d'abord, je vais d'abord te demander de définir le handicap. Alors, le handicap, en effet, c'est des notions qui ont mis du temps à se structurer, puisque c'est finalement des choses qui se formalisent surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Avant, on emploie des termes un peu vagues et pas forcément très précis, mutilés, invalides ou autres. Et c'est aussi une chose qu'on a voulu interroger dans l'exposition, c'est finalement cette difficulté à nommer les choses et certainement significative d'un flou à aborder assez clairement la notion elle-même. Nommer les choses, c'est aussi en avoir une conscience claire. Donc en fait, c'est à partir des années 70 et surtout 80 où les choses se structurent et on a une définition... officielle qui est promulguée par l'OMS. Alors je vous la lis parce que je ne l'ai pas appris par cœur. OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Mmh. Et handicapée, toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Donc c'est également des choses qui sont importantes dans le cadre des propos que l'on va tenir et sur lesquels on reviendra, parce que cette notion de handicap a été entendue pendant longtemps de façon un peu restrictive, où les déficiences mentales ont été exclues du champ du handisport pendant longtemps, ou en tout cas avait une fédération un peu annexe. Et donc voilà, c'est tout ce travail un peu de structuration de la notion de handicap et de sport, puisque c'est finalement ce dialogue-là qu'on essaye d'avoir, qu'on va étudier avec le recul historique. Alors, dans un premier temps, on va voir pourquoi Saint-Étienne joue un rôle particulier dans le mouvement handicap et sport, notamment en raison de la présence de deux personnalités. De deux personnalités, oui. Alors, on verra avec un peu plus de détails tout à l'heure la personnalité marquante d'Yves Nem, hein, qui est vraiment celui qui a porté le mouvement handisportif à Saint-Étienne et qui a... notamment préparer les grandes compétitions internationales dont on parlera. Mais ce qui nous intéressait aussi dans cette exposition, c'est de travailler à établir une sorte de panorama et de contexte général qui a permis potentiellement à faire de Saint-Étienne une ville exemplaire, sinon un peu spécifique sur la question du handicap. Et dans nos recherches, mais ça c'est à toi Jean-Michel que reviendra le soin de développer un petit peu, il y a évidemment la personnalité de Michel Rondet et de tout ce qu'il a pu faire en faveur des mutilés du travail et donc cette prise en compte relativement ancienne depuis le début du XXe siècle de la question du handicap à Saint-Étienne. Eh bien pour tous les Stéphanois et les Stéphanoises qui nous écoutent, je rappellerai tout simplement qu'il y a à Saint-Étienne une rue des mutilés du travail. Qu'il y a aussi une salle des mutilés du travail. Et une rue Michel Rondet. Et il y a une rue Michel Rondet, bien sûr. Mais cette référence aux mutilés du travail, on la doit, comme tu dis, à Michel Rondet, qui est le premier alerté sur l'importance, l'impact sur la vie des familles, sur la vie des personnes des accidents du travail. On la doit aussi à deux autres personnalités qui sont liées au mouvement syndical stéphanois. La première est celle d'Urbain Malot, qui a fondé le dispensaire social lié à la Bourse du Travail. Et la seconde, plus connue sans doute que celle d'Urbain Malot, c'est celle de Baptiste Marsais. Baptiste Marsais, donc, qui est né le 20 octobre 1883 au Puy et qui est mort le 10 mai 1964 à Allègre. Bon, je vais rappeler rapidement son parcours biographique à partir de... l'affiche Métron qu'avait rédigé Claude Latta. Il est donc né dans une famille de la campagne de la Haute-Loire. Il a été très vite confié à son oncle, Victor Coudert, qui était boulanger et qui a été maire de la commune d'Allègre de 1896 à 1900. Et c'était un personnage atypique dans la Haute-Loire de l'époque, presque même dans la Haute-Loire d'aujourd'hui. C'était un rouge, un républicain radical, Dreyfusard, qui plus est, et qui a enseigné à Baptiste Marseille les droits de l'homme et le côté humanisme de la vie, quoi. Et très vite, il a été, alors comme c'est le cas des enfants à l'époque, hein, à 12-13 ans, ils vont au travail. Donc il a travaillé déjà avant, pendant les vacances, comme berger. Et très vite, il est placé chez un forgeron, enfin c'est son oncle en fait, à Saint-Just-sur-Loire. Et il va apprendre le métier de forgeron, le métier au cours duquel il va se faire blesser en 1908, donc qui va lui laisser un handicap qui va le marquer justement sur cette question brûlante dans le monde ouvrier de la fin du 19e et début du 20e siècle, des accidents du travail. Parallèlement, il est militant socialiste, il est militant syndicaliste et il va se retrouver en 1920 à la commission exécutive de l'Union départementale de la Loire. C'est cette année 1920, le 23 novembre 1920, qu'il crée la Fédération nationale de défense des intérêts du mutilé du travail. Alors peut-être que la sensibilité de la population et des élus aussi est renforcée par le fait que, en plus des mutilés du travail, en 1920, il y a les mutilés de la guerre. Donc ça va sans doute accentuer la nécessité de dégager une action en faveur de ces personnes. Et donc en 1921, le premier congrès de la Fédération a lieu à Saint-Étienne avec 2500 adhérents. 1924, je fais rapidement le bilan pour montrer l'importance de la Fédération. 1924, à peu près 9000 adhérents. 1930, 77 000. 1938, 115 000. Et en 1963, on est 344 000, d'après les nombres de timbres, 1963, voilà, 344 000. Bon, il a, comme beaucoup de socialistes militants, encarté quelques ennuis pendant la guerre. Il a été arrêté, transféré au camp de Saint-Germain-des-Belles. On oublie souvent qu'il y a eu aussi des camps de concentration en France. Il est finalement libéré et il revient à Saint-Étienne. Et après la libération, donc, l'œuvre va se développer. Et c'est donc en 1952 qu'est posée la première pierre de la maison des mutilés, avenue Émile Loubet, en présence de nombreuses personnalités. Alors, c'est important pour montrer que le monde ouvrier, le monde stéphanois, est marqué par cette histoire des mutilés du travail. Et ça va nous amener à la question du lien déjà entre mutilés de guerre, mutilés du travail. Mais d'abord, je crois que finalement, le lien entre mutilés et sport, c'est plutôt par les mutilés de guerre qu'il est arrivé. C'est ça, c'est plutôt par les mutilés de guerre. Donc à la fin de la Première Guerre mondiale, ben, partout en France et en Europe, évidemment, les gueules cassées rentrent. Et la question se pose en effet de l'invalidité et de la façon dont on peut... rendre actifs à nouveau ces personnes qui ont été marquées physiquement. Et le mouvement handisportif naît à l'origine des mutilés de guerre. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'à Saint-Étienne, finalement, la situation est un peu paradoxale, ou en tout cas un peu à contre-courant du mouvement national, c'est-à-dire que c'est plutôt finalement par les mutilés du travail pardon, que les choses semblent se structurer. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, de voir la singularité de Saint-Étienne dans cette dimension-là. Et finalement, il y a un temps de latence, de maturation dans l'entre-deux-guerres qui fait que le véritable mouvement handisport, il va s'affirmer en 1948. Oui, c'est ça. Donc les premiers jeux qui sont organisés en Europe, c'est en 1948 à Stockmanville, donc en Angleterre, et c'est à l'initiative d'un neurologue hein, qui est chef du service de rééducation pour blessés de guerre, qui organise les premières épreuves pour ses patients au moment où sont inaugurés les Jeux Olympiques de Londres. Donc c'est aussi quelque chose qui est déjà en parallèle avec les Jeux Olympiques. Alors, en parallèle, en tout cas, il cherchait à créer un lien avec une compétition qui était organisée au niveau international et dans le même pays. Donc il y avait une première recherche dans ce sens-là. Mais ça ne va pas perdurer. Mais ça ne va pas perdurer puisque finalement, il faudra attendre les années 60 pour que les choses commencent à prendre place, notamment en France et à Saint-Étienne en particulier. Si on revient à Saint-Étienne, effectivement, il y a un aspect, une dimension que vous signalez dans l'exposition, c'est le rôle du CHU et de l'attention portée à la médecine sportive, peut-être en lien avec l'importance de la SSE dans les années 50-60. Oui, alors à la fois à la dimension sportive, mais également à la dimension réadaptative, puisque finalement le CHU très tôt s'est aussi intéressé à la question de la réadaptation des mutilés du travail. Donc en fait, il y avait une coordination entre ces deux mouvements qui faisaient sens dans le mouvement handisport. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant pour voir dans quel contexte prennent place le mouvement handisportif, c'est aussi les installations sportives dont disposait Saint-Étienne, donc 1931, la création du stade Geoffroy Guichard, avant les Tivalières. Il y a déjà suffisamment, on va dire, d'équipements sportifs pour aussi se permettre d'organiser des choses conséquentes. Donc c'est un peu tout ça qu'on va essayer de croiser pour remettre en contexte. Et donc le CHU, quand même, c'est une création des années 60, voire même de la fin des années 60. Oui. Quel est le médecin qui porte le... Alors là, c'est un pan de l'exposition qui est encore en chantier. Donc je ne pourrais pas apporter de réponse ultra précise. Et puis, je ne vais pas tout divulguer aujourd'hui. Mais il faudra qu'on creuse cette question-là quand l'exposition... On peut quand même parler de Pierre Petit. Ouvrira. Oui, non, il y a des noms, évidemment, qui sortent. Mais on n'a pas encore... C'est encore un pan qui est en chantier dans notre exposition. Bon. Et donc, avant de revenir plus en détail sur les événements sportifs handisport à Saint-Étienne, eh bien, Karine va nous proposer une pause médicale. Vivre plus fort de Francis Lalanne. Devant souffrance, couché Tête sur Radio Duo dans l'émission du Grémos, émission dédiée à l'exposition numérique des archives municipales de Saint-Étienne, intitulée « Coup d'envoi, sport et handicap, récit d'une aventure stéphanoise ». Et nous retrouvons tout de suite nos invités, Pierre-Régis Dupuis, directeur des AMSE, et Jean-Michel Stenner. Alors, peut-être quelques éléments de contexte sur la chanson qu'on vient d'entendre. Donc, c'est une chanson de Francis Lalanne qui a été créée et composée à l'occasion des Jeux mondiaux de 1990 qui se sont tenus à Saint-Étienne. Donc, c'était un disque qui a été vendu et commercialisé et avec un clip qu'on trouve assez facilement sur Internet et qui mérite, à mon sens, d'être vu. Sur YouTube, j'imagine. Sur YouTube, entre autres. Alors, Saint-Étienne, donc, merci pour ce que tu viens de préciser, Pierre-Régis. Saint-Étienne, ville du handisport, pour quelle raison ? Alors, pour quelle raison ? Donc, on a vu un peu le contexte, mais le point de départ finalement de notre exposition, c'était d'avoir découvert, redécouvert plutôt, le terme est un peu plus approprié, que Saint-Étienne a accueilli, Saint-Étienne et plus largement à la métropole, on y reviendra un petit peu, a accueilli plusieurs compétitions internationales sur une période relativement resserrée, on fera un peu la liste, et qui est finalement quelque chose d'assez singulier, puisque des compétitions internationales, il y en a dans d'autres pays et dans d'autres villes, mais autant sur une période aussi resserrée, c'est quelque chose qui est relativement significatif. Alors, on peut peut-être, oui, avant de parler de ces événements proprement dit, revenir sur l'organisation du mouvement, puisque on a vu à travers la biographie de Baptiste Marsay l'organisation du mouvement des mutilés du travail. Comment s'organise le handisport en France ? Alors, le handisport en France se structure petit à petit, et à Saint-Étienne en particulier, c'est donc la figure d'Yvenem qui va créer dès 1962 la première association sportive pour les handicapés physiques de France. Là aussi, on revient à nos discussions de départ. C'était uniquement pour les personnes handicapées physiques, et qui va donc créer cette première association qui va fédérer toutes les personnes handicapées qui ont envie ou besoin de faire du sport. Et donc, cette fédération sportive des handicapés physiques de France devient la Fédération française de sport pour handicapés physiques. Et se passe un événement important en 1972. En 72, oui, il y a eu plusieurs courants au sein du mouvement national qui s'opposent fortement. Et en 72, l'opposition est tellement forte qu'une scission s'opère au sein de la Fédération nationale. Et donc, il y a deux fédérations qui se créent. Une qui est portée par le mouvement de Rennes, associée à celui de Saint-Étienne. Et c'est aujourd'hui finalement la FOP, la Fédération Française Omnisport des Handicapés Physiques, qui était portée par Yvenem et qu'aujourd'hui on appelle un peu le clan des Stéphanois, qui fait son chemin de son côté entre 72 et 77. La raison de cette scission, c'est deux visions du handicap. C'est deux visions du sport et du handicap, puisque Yvenem avait une volonté qui se traduit d'ailleurs dans l'organisation de ces événements, d'être dans une logique, on va dire, de spectacle, en tout cas de montrer au public que les personnes en situation de handicap sont tout à fait capables d'avoir des performances physiques qui méritent d'être remarquées et de le dire, de le montrer. Donc ça, c'était quelque chose qui était très très important pour lui et qu'on verra au travers des jeux en question, alors que la fédération nationale officielle, si on peut dire les choses comme ça, était dans une attitude un peu plus attentiste. Je pense aussi, pour être très honnête et avoir entendu certaines personnes qui étaient présentes à l'époque, qu'il y avait peut-être aussi des questions de personnes et d'incompatibilité entre certains responsables. De toute façon, c'est le cas dans toutes les associations et partout où il y a du pouvoir. Donc c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Mais il y avait une vraie divergence de vues sur la façon dont, à travers le sport, on pouvait faire progresser l'intégration des personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous en dire un peu plus sur Yvenem ? Alors Yvenem, il est né en 1930 à Saint-Étienne et c'est une personne qui devient handicapée à 20 ans. Donc c'était une personne valide qui, à la suite d'un voyage au ski, est atteint de la poliomyélite et perd en partie l'usage d'une jambe. Donc ça, c'est important aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans la plupart des personnes qui, dans les premiers instants du développement du handisport, vont faire du sport, c'est des personnes qui ont été valides et qui deviennent handicapées et qui essayent de retrouver finalement une activité physique qu'ils avaient auparavant. Donc à 20 ans, il devient handicapé Et c'est une personne qui était très insérée dans la vie locale et dans la vie économique, puisqu'il travaillait dans le textile. Il était d'une grande lignée de tisserands. Et il était amené par son travail à voyager un peu partout en France et en Europe. Et c'est par ce biais-là, par le biais de sa réussite professionnelle, qu'il s'est créé un réseau très important qu'ensuite il mettra très largement à disposition du mouvement handisportif, notamment via le Rotary, mais également par ses relations d'affaires, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui sait, une personne de réseau, qui sait mobiliser les réseaux. Et c'est des choses qu'on retrouve très clairement dans les archives, hein, puisqu'une correspondance très dense et très intense, où il n'hésite pas à écrire aux ministres, à des personnes influentes, pour demander de l'aide sur tel et tel projet. Donc on l'a dit tout à l'heure, en 62 il crée l'association stéphanoise, et donc en 66 il va créer les premiers Jeux européens à Saint-Étienne, puis en 70 on y vient après. Oui. Non, je retiendrai qu'il était tisseur et qu'il a tissé un réseau, c'était important. Voilà, hein. C'est important. Et je crois qu'on a une archive sonore que Karine va nous faire entendre, la voix d'Yvenem. Le sport, eh bien, c'est le moyen de se prouver, donc, que ce soit en fauteuil roulant, avec une prothèse, avec une paralysie, on peut vivre aussi pleinement et ressentir les mêmes joies. Mais la grande difficulté consiste à adapter un matériel et une méthode et persister dans l'effort. L'originalité de ces premiers championnats du monde consistait à réunir le plus grand nombre de jeunes de 12 à 18 ans, pour lesquels rien n'existait. Et là, ma joie a été de rassembler 350 jeunes de 12 à 18 ans d'athlétisme, à presque 300 en natation, et de les mélanger au club valide, pour que par alternance, ils puissent voir les uns les autres la performance et voir ce qu'on pouvait faire quand on était amputé, paralysé, etc. Alors, ensuite, on a voulu inviter les femmes, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup, et les gens ont été frappés de voir toutes ces équipes féminines, jeunes, paraplégiques, mais s'exprimant dans les meilleures conditions en basket fauteuil et en haltérophilie. Et puis, nous avons voulu réunir 400 aveugles, ce qui n'est pas rien, et 400 handicapés divers. Pour Yvenem, le sport constitue une excellente thérapie et ces championnats du monde sont un fantastique pari. Et vous êtes là pour soutenir ce pari. Pour lui, la solution au problème de la réinsertion des handicapés physiques passe par trois étapes: la santé, le sport et le travail. On a entendu Yvenem évoquer cette importance du sport pour finalement redonner une confiance, une volonté peut-être à ces gens qui sont frappés de handicap physique. Et je pense que l'archive sonore qu'on a entendue au début correspond à un entretien au moment des premiers Jeux européens de 66. Oui, ou peut-être plutôt de ceux de 70, mais en tout cas, c'est dans les premiers. Et à la fin, on a entendu Yves Bellemare présenter... Pierre Bellemare, présenter les Jeux de 1990, sur lesquels on va revenir. Mais on va commencer par les Jeux de 66. Mm. Tu peux nous dire un peu... Il donne des chiffres finalement, et donc ça s'organise tout à Saint-Étienne. Alors sur les épisodes suivants, ça va dépasser un peu le cadre de Saint-Étienne, mais en tout cas tout s'organise à Saint-Étienne. Et c'est intéressant là aussi de voir ce qu'on disait tout à l'heure, que le contexte local est important, parce qu'il y a aussi un appui assez fort des services techniques de la ville et la mise à disposition des équipements pour que tout puisse s'organiser à Saint-Étienne. Donc en effet, c'est les premiers Jeux mondiaux, premiers Jeux européens, pardon, qui s'organisent à Saint-Étienne. Du 27 juin au 4 juillet 1966. Donc on remarque déjà que c'est pas, ça ne coïncide pas avec une année olympique. Non. Hein, c'est non. 64 et 68 les Jeux olympiques. C'est ça. Et puis si on peut donner quelques chiffres, hein, il y a déjà 13 pays qui sont représentés et près de 300 participants. Donc ça commence déjà à être quelque chose de relativement conséquent. On verra aussi par la suite que, au fur et à mesure des années, les événements qui se déroulent à Saint-Etienne prennent de plus en plus d'ampleur. Et donc, j'imagine que ça se déroule bon, en 66. Il était question de piscine. Il n'y a que la piscine de Villebeuve qui existe à l'époque. Oui, oui, oui. Et après, sur les terrains, on voit qu'ils sont, ils sont un peu de partout sur Saint-Etienne, en fait, sur les terrains disponibles. J'ai en mémoire des images sur le stade de Villebeuf. Le stade de Villebeuf, oui, exactement. Donc, on reconnaît bien, en plus, avec les crassiers qu'on voit derrière. Donc, il y a quelques très, très belles images qu'on retrouve à la Cinémathèque de ces premiers jeux qui sont très intéressantes. Ce qui me fait, ce qui m'amène à une espèce de, comment dirais-je, de respiration dans tout ce qu'on est en train de présenter sur les archives elles-mêmes que vous avez utilisées. Oui. Des archives municipales, mais aussi des archives cinématographiques. Tu peux un peu détailler. C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu le point de départ de l'exposition. Donc, on était évidemment dans une année olympique. Donc, on avait envie de faire quelque chose sur le sport et de ne pas parler de la SS parce qu'on en parle suffisamment à Saint-Etienne. Et il s'avère qu'on a classé assez récemment un fonds d'archives qui était rentré chez nous en 2016. Déposé par Maggie Pelletier, qui était une des permanentes, enfin en tout cas des bénévoles qui s'investissaient beaucoup dans le mouvement d'e-sport, et des archives de l'association de Saint-Etienne, Saint-Etienne en e-sport. Et dans ces archives-là, on avait toute l'organisation des différents jeux dont on est en train de parler. Donc ça a finalement été le point de départ de l'organisation. Dans ce fond, on retrouve beaucoup de photos, des dossiers d'organisation, la correspondance dont je parlais tout à l'heure d'Yvenem, hein, qui montre bien que c'était une personne de réseau et qui était capable de mobiliser des ressources parfois insoupçonnées. Donc on avait tout ce dossier-là qui... Tout ça aux archives municipales. Tout ça aux archives municipales. On avait aussi dans les dossiers d'archives publiques les dossiers d'organisation de ces jeux, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la ville de Saint-Etienne a aussi beaucoup aidé à l'organisation, donc on a retrouvé dans les dossiers, des services des sports certaines archives. Mais également à la Cinémathèque, en effet, il y a des fonds très riches, très nombreux et qui permettent de voir vraiment le déroulé de ces jeux à la Cinémathèque sur quasiment tous les jeux, hein, puisque 66, 70, 75 et 90, et même 72, dont on reparlera peut-être un petit peu après à Courchevel, on a des images, des compétitions, des témoignages de sportifs et les cérémonies d'ouverture. Donc on a déjà un volume de documents relativement conséquents qui permettent d'apporter de la matière. Évidemment, la presse qu'on mobilise par ailleurs. Mais comme souvent dans nos expositions, c'est aussi un moyen d'aller chercher l'information qui nous manquerait pour avoir un propos qui nous permette aussi de nous projeter et de prendre une dimension historique un peu plus importante. Donc on a identifié, grâce à ce travail de recherche qu'on est en train de mener, différentes personnalités qu'on va interviewer, enregistrer leurs témoignages pour apporter de la matière à l'exposition, mais également pouvoir ensuite mettre ces entretiens à la disposition de la recherche historique. Puisque c'est, malgré tout, et c'est important de le dire, un champ de recherche qui est relativement vierge, hein, puisque finalement l'histoire du sport, c'est assez récent, à partir des années 80, mais guère avant. Et alors sur le handisport, il y a vraiment très très peu de choses, à part un groupe de chercheurs plutôt sociologues qui était basé à l'université de Montpellier. Mais c'est encore un champ de recherche qui, me semble-t-il, est porteur, puisque peu de choses ont encore été publiées. D'accord. En 70, donc, les deuxièmes jeux, c'est ça, 70 ou... C'est les premiers jeux mondiaux. Premiers jeux mondiaux. Ouais. Donc 66, là, on change d'échelle. Jeux européens. C'est ça, 70 jeux mondiaux, où là, de tout à l'heure, je parlais de 300 participants. Là, on est à 800 participants. Il y a 24 pays qui sont représentés. Donc, on change d'échelle et on essaye Yvenem et ses collaborateurs essayent d'avoir une dimension un peu plus importante, toujours dans cette logique de médiatiser le handisport. En dehors d'Europe, donc quels sont les pays qui viennent? J'ai en tête des Sud-Africains, des Israéliens... Amérique du Nord, Américains, Canadiens, non? Je ne les ai pas vus sur les drapeaux au moment de la cérémonie, mais c'est possible. Et donc... Innovation en 72, 18 et 25 mars 72, jeux d'hiver. Jeux d'hiver. Alors là aussi, il faut revenir un peu à la biographie d'Yvenem, c'est-à-dire que dans sa jeunesse, c'était un skieur et un très bon skieur. Donc il a toujours eu cet intérêt, c'était un sportif lui-même et sport d'hiver en particulier. Et en 72, et c'est au moment de la scission, hein, donc là aussi c'est important d'y revenir, c'est donc la FOP. Donc les Stéphanois et d'autres qui venaient les soutenir, qui décident d'organiser les premiers Jeux mondiaux d'hiver. donc à Courchevel. Et là, notamment dans la correspondance, on trouve des choses qui sont hyper intéressantes, puisque Yves Nem se plaint des bâtons dans les roues que lui met la fédération officielle, quoi. C'est-à-dire que la fédération officielle va envoyer des courriers aux fédérations nationales des autres pays pour leur dire ne participez pas à ces jeux qui ne sont pas des jeux officiels. Mais malgré toutes les difficultés qu'il rencontre, il réussit grâce à son réseau, on y revient, et notamment grâce au Rotary qui va financer en grande partie l'organisation de ces jeux, à organiser ses premiers jeux d'hiver. Donc c'est quand même une réussite là aussi médiatique et qui montre un peu la puissance d'Yves Nem. Donc 800 participants, troisième étape, 1975, toujours des Jeux mondiaux. Deuxième Jeux mondiaux, ouais. Toujours à Saint-Etienne. Toujours à Saint-Etienne. Et toujours porté uniquement par la Fédération française. Toujours, puisque là aussi, on est avant la réunification. Donc finalement, c'est les derniers jeux qui sont organisés à Saint-Etienne en dehors, enfin au moment de la scission. Mmh. Et on a des archives, des films qui ont été faits sur cette période. Oui, pareil. Là, sur tous les jeux dont on a parlé, on a des films à la Cinémathèque qui montrent bien l'organisation, même logistique, parce qu'il y a aussi quand même toute une logistique à prévoir, le déplacement, la nourriture et les hôtels, en tout cas les lieux de résidence. Et dans les films, on voit bien comment est-ce que finalement toutes les forces vives de la ville et de la métropole sont mobilisées. C'est important aussi de préciser que, alors j'ai fait cet exercice-là sur 75 et 90, dont on reviendra après. On va dire que Saint-Étienne déborde de Saint-Étienne assez vite. Les villes limitrophes viennent aider. En 75, il y a notamment des épreuves qui se déroulent à Vosges. Et en 90, là, c'est vraiment toute la métropole, au sens où on l'entend aujourd'hui, qui est mobilisée, puisqu'on a des épreuves à Andrézieux, à Rive-de-Gier et à Saint-Chamond pour la vallée du Gier, à Firminy et à Unieux pour la vallée de l'Ondaine. Donc c'est quand même un élan, là aussi, qui prend sur tout le territoire. Et dans l'histoire des fédérations, donc une nouvelle étape importante en janvier 1977. C'est la réunification. Donc en effet, le ministère des Sports ne voyait pas nécessairement cette scission d'un bon œil. Et à plusieurs reprises, on a des courriers qui incitent assez clairement à une réunification de ces deux mouvements pour lui donner plus de poids et pour que le ministère des Sports continue finalement à subventionner ces associations. Donc en gros, le ministère siffle la fin de la récréation en 1977, date de la réunification. Je me permets de rappeler qu'en 77, on est sous le septennat Giscard d'Estaing, que Jean-Pierre Soisson est secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et qu'un certain Michel Durafour, maire de Saint-Étienne, est ministre du Travail. Donc peut-être que là, il y a choses qui se sont nouées au niveau politique. Et on voit très bien aussi dans la correspondance d'Yves Nem que Durafour était un de ses interlocuteurs. Donc c'est pas impossible qu'il y ait eu aussi... un poids qui était fait par là. Par contre, au moment de la réunification, Yves Nem ne devient pas président de la fédération. Il prend petit à petit du retrait sur le mouvement disportif. On n'a pas parlé de son âge. Il est né en quelle année ? Il est né en 1930. Oui, donc en 75, il a 45 ans. C'est ça. Et on en arrive au dernier jeu. On développera d'autres points après. Du 4 au 11 juillet 1990, donc... De nouveaux Jeux mondiaux ont lieu à Saint-Etienne et ce sont les derniers qu'on a connus à Saint-Etienne. Ce sont les derniers et par rapport aux précédents, on est très clairement sur un changement d'échelle. Si on a les premiers Jeux mondiaux où il y avait 24 pays, là on est sur 35 pays avec un nombre de participants qui est aussi beaucoup plus important. Et on va dire que ce changement d'échelle se marque aussi par le court extrait qu'on a entendu tout à l'heure et par la cérémonie d'ouverture de ces jeux qui est grandiose. N'oublions pas ou rappelons qu'il y a eu une flamme qui est partie d'Athènes pour arriver jusqu'à Saint-Étienne au moment de ces jeux, alors que moi je pensais naïvement avant de m'intéresser à la question que c'était réservé aux Jeux Olympiques, mais il y a eu la traversée de la flamme d'Athènes à Saint-Étienne avec toute une mise en scène hyper importante. Sur cette cérémonie d'ouverture, on a entendu Pierre Belmar, mais il y a également Robert Hossein. On est vraiment sur quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur et qui rentre dans la logique de ce qu'on disait avant, de la médiatisation du mouvement avec Francis Lalanne et tout ce qu'on a entendu avant. On va entendre d'autres extraits, mais en 90, c'est toujours pas des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques comme on dit aujourd'hui. Alors, les Jeux paralympiques, que je retrouve mes notes. Non, mais ce qui est intéressant en 90, par contre, c'est qu'on voit que le mouvement n'est pas complètement unifié au niveau mondial, puisqu'il y a aussi une compétition internationale qui se déroule en Amérique du Sud ou en Océanie, je ne sais plus, mais en tout cas qui concerne cette partie-là du monde, et que finalement, c'est les championnats du monde qui sont un peu concurrents avec d'autres. On va passer... Les archives sonores que Karine a préparées sur ces jeux de 1990. C'est bien ça, Karine ? On les écoute tout de suite. Trente-deux pays sont maintenant réunis devant vous. 32 pays qui vont s'affronter comme tout sportif royalement, et bien sûr que le meilleur gagne. Le fait que vous soyez tous rassemblés là pour disputer des épreuves, haut les bras, haut les jambes, haut les cœurs, atteste que déjà vous les avez gagnées, ces épreuves. Autorisez-moi à vous dire que sans préjuger des résultats, vous êtes déjà de vous-même couronné vainqueur. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez gagné non pas sur les autres, mais vous avez gagné contre le temps, contre la déprime, contre l'abattement et surtout contre vous-même. Vous avez donc compris que je ne suis pas ici, que nous ne sommes pas ici, nous tous qui allons vous regarder pour vous donner de la compassion, mais pour vous prendre de l'énergie. Donnez-nous celle qu'il faut pour aider à croire en des jours meilleurs. Donnez-nous celle qui soulève des montagnes et gardez celle qu'il vous faut pour continuer à croire et à rêver. C'est le moment le plus solennel qui va commencer dans quelques instants. C'est Roger Philibert, coureur handicapé en fauteuil roulant, 50 ans. Et Hervé Munoz, handicapé en fauteuil roulant, 18 ans. Qui ont été chercher la flamme à Athènes. Je déclare ouvert ces championnats du monde handisport de Saint-Étienne 1990. Là, on vient d'entendre Yves Nem. Oui. Et on a entendu précédemment Pierre Belmar. Pierre Belmar, oui, c'est ça. Qui est le grand animateur de cette cérémonie d'ouverture en présence du maire de l'époque, c'est-à-dire Dubanchet. Dubanchet, oui, voilà. Exactement. Donc 1990, je crois que tu voulais insister sur l'idée qu'il y avait quand même un changement d'échelle. Oui. Déjà, il y a plus de 1000 athlètes et aussi un changement de conception. C'est ça. En fait, toute l'œuvre d'Yves Nem a été de faire en sorte que finalement les discours sur le handicap et la vision qu'on a du handicap évoluent. Et on se rend compte dans les témoignages qu'on a dans les années 60-70 qu'il y a quand même encore, on insiste encore beaucoup sur la notion de handicap, de revanche sur la vie, de courage. Et petit à petit, à partir, et c'est flagrant en 90, même s'il y a encore des résidus qu'on entend là-dessus, on met de plus en plus en avant le rôle du sport, du sportif et de la performance. Et c'est, je trouve, un moment de bascule dans cette vision du handicap. Oui. Et c'est un moment de bascule aussi parce que la couverture médiatique va devenir beaucoup plus importante. On a quand même la personnalité de Pierre Belmar qui est un animateur de télévision très connu des Français depuis déjà 3 décennies. Et Robert Hossein qui est également présent et qui met en scène la cérémonie d'ouverture. Donc, en effet, d'un point de vue médiatique, on change complètement d'échelle. Et ça se voit, alors évidemment, au niveau local, puisque c'est des choses qu'on peut étudier avec beaucoup plus d'importance. C'est-à-dire que les comptes rendus des premiers jeux c'est presque un petit filet dans les journaux locaux. Dans les années 90, il y a des éditions spéciales dans la Tribune avec un programme qui est distribué. Ça prend vraiment beaucoup plus d'ampleur. Et en effet, la présence de Francis Lalanne, de Pierre Belmar et de Robert Hossein montre bien que là, c'est quelque chose de national, voire international, qui se joue également d'un point de vue médiatique. Est-ce que, par exemple, le ministre des Sports est venu ? Je crois pas, ça faudrait que je vérifie, mais je crois pas. Ouais. Et d'autre part, cette couverture médiatique, est-ce qu'on a une idée de ce qu'elle donne comme reportage au niveau national ? Au niveau national, on n'a pas encore fait cette okay. recherche, mais au niveau de l'INA, on avait vu des choses, donc c'était relayé par les grands médias. Après, je n'ai pas de chiffres précis ou autres à donner. Parce que les films que l'on voit en 90, ils sont réalisés par les équipes de télévision nationale. Non, c'est toujours les pour 66, locales. 70 et autres, c'est les équipes proches d'Ivnem qui font ces reportages pour leur propre compte et ensuite pour la promotion des événements ultérieurs, mais qui n'avaient pas nécessairement vocation à être diffusés auprès des médias nationaux. Mais j'ai noté notamment la figure de Jean-Claude Parer. Qui a suivi tous les jeux et qui a cédé à la Cinémathèque tous ces films. Et en 90, c'est la télévision nationale ou c'est toujours Jean-Claude Parer qui travaille ? Il y a toujours Jean-Claude Parer qui est là, ouais. D'accord. Et concernant le changement d'échelle, donc il me semble que tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait beaucoup plus de villes qui étaient concernées dans l'agglomération stéphanoise. C'est ça, là, c'est vraiment toute la métropole qui se met en ordre de marche pour accueillir cet événement d'une portée tout autre. Donc, qui accueille des compétitions parce qu'il y a plus d'athlètes, donc il y a besoin de plus d'équipements, de gymnases, de stades et autres. Et c'est toutes les villes qui sont équipées pour accueillir des compétitions de haut niveau qui se mobilisent et qui viennent en renfort de la ville de Saint-Étienne. Donc, ça, c'est aussi très intéressant de voir que Saint-Étienne déborde largement de Saint-Étienne, mais que c'est quelque chose qui se concrétise ici assez clairement. Voilà. On va donc écouter maintenant le sixième sens de Grand Corps Malade. La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y'a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Vous êtes bien sur Radio Duo dans l'émission du Grémos, dédiée à l'exposition numérique des archives municipales de Saint-Étienne, coup d'envoi, sport et handicap. On vient d'écouter Grand Corps Malade, Sixième Sens. Et je donne tout de suite la parole à nos invités, Pierre-Régis Dupuis et Jean-Michel Stenner. Quand la faiblesse physique devient une force morale, ce texte de Grand Corps Malade, Sixième Sens, ça nous montre que il y a une vision quand même beaucoup plus, je dirais, positive, enfin, qui essaye de montrer que malgré le handicap, on peut continuer à avoir une vie et une activité. Donc il y a une évolution de la vision du handisport, et je crois que c'est un peu ce que l'on va pouvoir ce qu'on va évoquer à travers quelques témoignages. Témoignages de sportifs handicapés enregistrés par Jean-Claude Paréa. Par Jean-Claude Paréa, oui, en effet. Non. À quel moment exactement ? Alors, il y en a plusieurs moments, il y a 70 et 75, donc ouais. C'est ceux de 75. Ouais, je crois que c'est 75. Mmh. Et donc, Karine va nous mettre les extraits. On les écoute tout de suite. Et vous arrivez à un accident de moto 64. Une course en montagne. On a été pris par le mauvais temps et on est resté beaucoup plus longtemps que prévu. On est resté 4 jours. On a été pris par la tempête. On a perdu un de nos camarades d'ailleurs. Et ce sont les guides de Chamonix et les CRS qui sont venus nous récupérer au bout de 4 jours. Je leur dois la vie. Alors je m'en suis tiré avec les pieds gelés. Je suis resté 4 mois à l'hôpital de Chamonix. C'est le docteur Christen qui m'a amputé. Moi j'avais envie de faire du sport parce que c'était mon occupation prédominante avant, et alors il a fallu que j'y revienne. Je m'y suis remis, quoi. J'ai essayé de faire du ski cet hiver, ça a très bien marché. Alors la rééducation, elle est, proprement parlée, elle est propre à chaque individu. Je crois que le truc, c'est de se mettre dans la vie, quoi, puis essayer de vivre. Parce que la rééducation dans une salle, marcher, faire des mouvements, enfin, pour un sportif, je crois que c'est pas tellement... Il faut plus que ça, quoi. Essayer de faire comme tout le monde. Vous voyez, j'ai qu'un an de rééducation, mais je découvre, par exemple, monter sur un trottoir, il faut que je saute si je veux monter normalement. Je prenne un appui avec la pointe du pied, comme j'ai plus de pied. Je découvre qu'en jetant l'autre jambe, j'arrive à sauter facilement sur un trottoir. J'ai découvert ça il y a 15 jours. J'en apprends, je vous dis, tous les jours, et j'espère bien que dans quelques années, je me défendrai encore plus. Pierre-Régis, ces témoignages de ce jeune garçon qui est donc handicapé à la suite d'un accident, donc le pied gelé, qui dit qu'il faut essayer de faire comme tout le monde, c'est bien une illustration de cette évolution. Oui, mais en même temps, ça marque aussi le fait que la première question qu'on pose, c'est finalement quelles sont les raisons de votre handicap et qu'on s'intéresse d'abord au handicap avant de s'intéresser à la performance, physique. Donc, c'est encore justement des choses qui sont dans une logique d'évolution. Donc, en effet, après, on parle de revenir à la normalité ou en tout cas d'y tendre et de reprendre une activité qu'on avait par avant. Mais les premières questions qu'on pose, c'est finalement, c'est qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi est-ce que vous êtes handicapé ? Donc, c'est très éclairant, je trouve, comme entretien sur ce point de vue-là. C'est des choses qu'aujourd'hui, on n'entendrait pas. Je pense, si on interview des handisportifs, on ne va pas leur demander, j'espère en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'ils ont été handicapés, quoi. On va parler de leur performance et de les voir comme des sportifs. Oui, en même temps, pas faire comme si on ne voyait rien non plus. Non, mais c'est quand on voit une personne handicapée qui fait du sport, oui. Ce qu'on voit pour voir le handicap, oui. Pour pouvoir du sport, aujourd'hui, oui, c'est assez clairement une façon, non pas d'effacer le handicap, puisque de toute façon, il est souvent visible, même si ce n'est pas toujours le cas, mais de mettre en avant la pratique sportive. Et c'est ça, me semble-t-il, la grande évolution sur le handisport, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des sportifs avant tout. Alors, Pierre-Régis, au-delà de... On va revenir après sur l'exposition, mais au-delà de cette présentation très intéressante des événements qui ont mené au mouvement handisport et événements dont beaucoup ont eu lieu à Saint-Étienne dans les années 70-90. Quelles sont les tendances actuelles sur ce qui se passe dans le monde du handicapé concernant, enfin, qu'est-ce que ça a permis de faire évoluer au niveau de la législation, du travail des députés Alors, si on revient en effet sur l'histoire du handicap et à l'histoire au croisement des échelles locales et nationales, il s'avère que la personne qui a fait avancer en grande partie la question de la prise en compte du handicap dans l'espace social en général, c'est Jean-François Chaussy, donc un député de la Loire, qui a été à l'initiative de la loi sur l'accessibilité dans les lieux publics en 2005. Donc finalement, c'est relativement récent et c'est la loi qui oblige les lieux publics à rendre accessibles ces lieux à toutes les personnes, même celles en situation de handicap. Et ça inclut évidemment les équipements sportifs. Donc on est quand même dans cette dynamique-là. Et alors même si c'est un concours de circonstances que Jean-François aussi s'intéresse à cette question, ça reste quand même quelque chose aussi qui est porté localement. Donc on est aussi dans cette trajectoire-là. Hein. C'est une loi qui a 20 ans, on se rend bien compte aujourd'hui que... Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. On ne parlera pas de l'accessibilité des transports pour les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a suffisamment de témoignages sur la question. Mais en effet, il y a encore beaucoup de choses à faire. Non, mais ne serait-ce que l'accessibilité... des trottoirs pour les poussettes, par exemple. Oui, non, mais c'est une question, évidemment centrale. C'est un lien qui. Et c'est central. Si je reboucle avec les considérations des archives municipales aujourd'hui, elles en sont l'illustration parfaite. Un bâtiment construit dans les années 60 n'était pas du tout adapté aux personnes en situation de handicap, et on pourrait faire tous les travaux que l'on veut. En fait, c'est juste pas possible de le rendre pleinement accessible. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a souhaité que cette exposition ne se déroule pas physiquement aux archives municipales, parce que on n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap. Voilà, nous y voici. Donc, cette exposition, elle va se dérouler dans quelles conditions? Tu veux le préciser? Oui, alors, elle va ouvrir entre la semaine du 14 au 18 octobre. On n'a pas encore la date officielle d'inauguration, mais en tout cas, ce sera au début de l'automne. Et quand on s'est penché sur la meilleure façon de rendre accessible notre propos, on a évidemment assez logiquement pensé tout d'abord à faire une exposition chez nous. Bon, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on a abandonné cette idée assez vite. On avait réfléchi à d'autres lieux qui potentiellement auraient été très visibles et accessibles en centre-ville. Et en fait, en avançant un peu sur les questions d'accessibilité, il s'avère que peut-être que la plus grande accessibilité pour notre propos aux personnes en situation de handicap multiple, hein, qui peut prendre des formes très différentes, c'est finalement une exposition pleinement numérique. Et donc ce sera le cas, hein, c'est le choix qu'on a fait, c'est une première pour les archives municipales. Souvent on avait des déclinaisons parfois numériques d'expositions qui avaient lieu en physique, là il n'y aura qu'une exposition numérique, donc ça va être un challenge, mais ça nous permet, en tout cas on a de grands espoirs, de rendre accessible et aussi très attrayant les archives que l'on souhaite mobiliser, notamment les films de la Cinémathèque, puisque finalement en numérique ou en physique on regarde un écran, donc on voulait aussi aller dans cette direction là. En termes d'accessibilité, on est également accompagné par la mission accessibilité de la ville de Saint-Étienne, qui réunit des commissions assez régulièrement pour évoquer, comme son nom l'indique, toutes les questions d'accessibilité. Donc on va présenter à plusieurs moments notre maquette numérique d'exposition pour qu'ils nous fassent nos retours et qu'on améliore pour tendre. On ne sera jamais sur une accessibilité parfaite, mais en tout cas vers la plus grande accessibilité possible à tous les types de handicap. Donc c'était finalement une façon... De changer un peu notre façon de rendre accessibles nos archives et de répondre à ces questions qui se posent avec plus de force sur la question du handisport. Et donc la préparation de cette exposition, elle est préparée par, elle est faite par quelle personne de ton service? Alors c'est l'équipe de l'Action culturelle, donc Juliette Morin, Cédric Nougared et Caroline Costil et moi-même, du coup, donc on est quatre à travailler sur le sujet d'arrache-pied. Et cette exposition sera visible à partir ? À partir de la semaine du 14 octobre. Là. Donc on ouvrira à ce moment-là. Il y aura une inauguration là aussi. Il faut qu'on invente une nouvelle forme d'inauguration. Ah oui, j'allais dire. Ça va être la première fois qu'on inaugure une exposition numérique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait au moment d'une inauguration numérique et comment est-ce qu'on fait visiter aux élus et aux personnes qu'on souhaite inviter une exposition numérique ? Et question... peut-être plus intéressante que la simple inauguration, c'est comment est-ce qu'on fait vivre cette exposition une fois qu'elle est, elle est diffusée. Quelle action de médiation à partir d'une exposition numérique on va construire. Donc on a finalement tout un travail de médiation et d'action culturelle qui va être réinventé du fait qu'on est sur des supports que nous n'avons pas l'habitude, nous, de traiter. Mais c'est un challenge plutôt enrichissant et qui, j'espère, correspondra aux besoins d'une partie du public que l'on souhaite toucher, parce qu'évidemment, ce n'est pas une exposition qui est dédiée au public en situation de handicap, mais très large. Mais on espère que ça aura son succès. Et vous avez travaillé avec la Fédération française handisport ? Alors, on travaille avec... alors, on a rencontré à plusieurs reprises l'association stéphanoise de handisport. Donc, on travaille avec eux. On leur a présenté l'exposition. On va certainement demander à son président de témoigner. Donc, on est en contact régulier avec le milieu handisportif. Et en parallèle, on présente aussi cette exposition à d'autres commissions plus larges d'accessibilité auprès des élus pour que tout le monde soit un peu au courant de ce qu'on peut faire pour qu'elle soit relayée le mieux possible. Parce qu'il y a également un enjeu de communication. Comment communiquer sur une exposition qui n'est pas visible physiquement chez nous. Bien. Et il me semble, on a parlé de Jean-François Chaussy, qui est un autre député de la région stéphanoise qui a joué un certain rôle dans le... Alors surtout sur le sport, en effet. Sport. Donc il a sorti un ouvrage Bougeon il y a quelques années, 2 ou 3 ans, j'ai plus la date exacte en tête. Et il traite en effet de cette question du handisport et de la façon dont ça peut aider à se reconstruire et également d'un point de vue de la santé. Donc c'est intéressant de voir finalement cette concentration aussi d'acteurs locaux qui s'intéressent à cette question, qui est peut-être aussi le fruit d'une tendance générale qu'on a essayé de tracer à grands traits tout au cours de cette émission. Quoi. Il y a malgré tout encore quelque chose qui se passe à Saint-Étienne sur ces questions-là. Et ça se manifeste aussi par l'organisation de jeux, alors plus mondiaux ni européens, mais l'été dernier, en juin 2023, si ma mémoire est bonne, il y a eu les championnats d'athlétisme handisport qui se sont tenus au Stade Henri Lux. Donc on est encore sur cet héritage, le terme est peut-être pas très heureux, mais dans cette direction de ville inclusive, même si le terme là aussi peut susciter des débats. Je précise que l'ouvrage Bougeon a été rédigé par Régis Joannico. On l'a pas dit. Je me permets de le préciser. Oui, j'allais le faire, mais c'est très bien que tu l'aies fait. Eh bien, Pierre-Régis, je crois qu'on a fait le tour de la question. Rien à ajouter ? Alors, il y aurait plein de choses à ajouter, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et puis, il y aura tous les compléments nécessaires, je l'espère, dans l'exposition quand elle sera en ligne. Donc, elle sera en ligne sur le site des archives municipales. Exactement. Ça sera un site dédié, mais qui sera accessible directement depuis le site des archives municipales. Bien. À partir du mois d'octobre, 15 octobre. C'est ça, à peu près. 2024. Exactement. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci Pierre-Régis, merci Jean-Michel. Amis, auditrices et auditeurs, c'était la dernière émission du Grémos pour cette saison. Je vous donne rendez-vous en septembre. Sachez que vous pouvez retrouver toutes nos émissions de la saison 2023-2024 sur le site www.gremos.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.